une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Lino. Et c'est parti pour la dernière de ces 15 jours passés avec Lino. L'album numéro 1 des ventes, c'est Requiem. Bienvenue Lino, comment va? Salut les gars. Enchanté. Eh bah écoute, bienvenue pour ce dernier Planète Rap, un gros Planète Rap ce soir. Ouais, on est là avec les frères, il y a des gars autour de la table. Hein. Et bon, on présente un peu tout le monde, il y a Calbo qui est là, donc oui. Arsenic représenté. Monsieur Passy est là aussi. Salut à tous. Ça a bien passé? Oui, très bien. En pleine forme, les nègres marrons sont dans la maison. Jackie Calmement. Benji. Calmement. Jackie et sa réverb. Ah, on l'a pas mis. Attends, recommence ça, s'il te plaît, avec la réverb. Attends. Tu nous dis quand t'es prêt. Ah, la réverb, elle est intégrée, t'inquiète. Il est en lui. Alors, attends, pas ou quoi, on est là. Vie dans la gorge. Planète Rap, Monsieur Bors, la famille en soutien. Ah, bah voilà, ça y est, avec la réverb intégrée. Monsieur Singila est là aussi. Yeah. Ça va Singila? Tranquille et toi? Fait plaisir de te retrouver avec toute l'équipe du Sectora puisque c'est concert Sectora ce soir entre 20 et 21. Lino, il y a d'autres invités qui doivent arriver aussi? Là pour l'instant non, on est au complet. Là on est au mode Sectora, il y a Tequila qui va sûrement arriver. Donc on va voir, il y a les gars. Bouboule, et les juste avant d'attaquer ce concert, on a un petit coup de fil à passer. Quelqu'un, d'ailleurs tout le monde se souvient aussi de ce couplet sur l'album Première Classe. Ouais. Le Mystique. On fait les choses. Monsieur Mystique est par téléphone avec nous. Mystique. Allô. Comment va? Bonsoir tout le monde. Stick up. Mystique. Salut frère. Salut, bienvenue dans le Planète Rap de Lino. Ouais, tranquille. Ouais, ça va. Félicitations pour l'album. Ça va, merci. Super album. Et notamment, Mystique, tu voulais intervenir parce qu'il y a un morceau en particulier qui résonne d'ailleurs. Voilà. Qui résonne avec l'actualité. Qui s'appelle Faute de français, qui est sur l'album de Lino. C'est ça. Bah, en fait, moi, j'ai complètement arrêté le rap, en fait, il y a 10 mois. Et puis, je mène depuis une quinzaine d'années des ateliers d'écriture créative et des improvisations théâtrales dans toute la France. C'est des ateliers de libre expression et la conscience du corps. Mm-hmm. Ça s'appelle Un stylo, une feuille, un sourire. Donc vous pouvez retrouver ça sur Facebook, sur YouTube. Et puis en fait, dans le cadre de mon travail, je travaille avec des jeunes, des ados, des moins jeunes, des adultes, des gens en maison de retraite. Là en tout cas, par rapport à l'actualité, en fait, je suis confronté à des jeunes, ça pose problème par rapport à l'actualité. Là notamment dans un quartier du 14e arrondissement à Marseille, il y a un jeune collégien qui risque la prison parce que il est accusé d'apologie du terrorisme. C'est ce qui se passe un peu en ce moment, et c'est un petit peu la chasse un petit peu en ce moment, même si à titre personnel je pense que ceux qui écrivent ça, toi en l'occurrence je crois que c'était écrit sur un tableau, je suis pas conscient qu'ils aient tout à fait la réalité de ce qu'ils pensent, que ce soit vraiment leur pensée quoi. Ça peut être parfois un peu de la provocation, quelque chose qu'il faut condamner ou au moins punir entre guillemets, mais pas forcément aller en prison pour ça. Oui, ça c'est pas passer d'un extrême à un autre quoi. Exactement. Je pense que l'épreuve elle est assez dramatique pour tout le monde, elle est dramatique pour le pays, et je pense vraiment que dans chaque épreuve il faut pas chercher l'ennemi, il faut chercher l'enseignement. Et l'enseignement qui a attiré de cette épreuve, faire un pas vers l'autre, exactement. Aller à la rencontre de l'autre, profiter de cette malheureuse occasion pour revoir un peu nos valeurs, un peu nos façons de voir un peu le vivre ensemble. Exactement. Et écoute, c'est une vraie parole de paix, un vrai message de paix que tu envoies. Et tu voulais nous dire quoi alors, Mystique, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voulais dire que en tout cas moi je suis convié donc à une réunion jeudi prochain pour aller un peu calmer les choses par rapport au futur de ce jeune homme. Donc en tout cas dans l'album Requiem, en tout cas il y a un morceau qui résonne avec l'actualité, donc qui s'appelle Faute de français. Je trouve que ça permet un peu de dire à tout le monde calmer un peu les esprits à tous les niveaux que ce soit. Et voilà, je voulais juste que ce morceau il soit joué pour calmer les esprits. Et on va débuter avec. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Mystique. Merci à vous. Force pour l'album, messieurs. Merci. Et bonne année, mon frère. Et bonne année. Pas Benji, bonne année meilleur vœu, frère. Okay. Allez, on débute avec Mystique. Faute de français. Allez. Et juste après, on attaque le concert Sector 1. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas.

Yeah. Yeah, c'est parti. Yeah, yeah. Live de Skyrock. Yeah, yeah. P-O-E-S-O-N. Arsenic. Yeah. Il sape. Comme dit que t'en as à peine à briller, que c'est trop sec. Vu que maintenant c'est rien oublié, non, cesse de crier. Je commence à peine, je disais, hey, t'allais oublier. Quel est l'enfoiré de con qu'a juré sur sa pute de mère qu'on était Kane. Piguer des parcs, là, le Riken. Braque le regard sur Villiers, retour aux sources et proc. Pretty P et Teddy Kane. Petit en américaine sur mon LP, j'mat. Sur le trip, genre une TP, son son à wax. Crack la SP au masque, négro. Pousse le niveau respect à l'ancienne school, au nouveau suspect. Taxe-moi dingue si ça te branche. La première manche en 98, c'est quelques gouttes. Qui s'en souvient encore et tout ton corps remue le camp sous. Au milieu à gauche, à droite, nous on peut voir tout. Bang bang en l'air, coûte ça, rien à foutre. Yeah. Toi t'as la rien. Rien à foutre, tout est dans le style t'en vaut. C'est ma race que c'est, sur disco sur scène. Si t'aimes ce son, crie l'enchaîne. P-O-I-S-O-N. À la prochaine tuerie, c'est le même tandem. Cherche pas le troisième, arsenic, c'est calme. C'est ça le thème. On remet ça, Mike, phénomène. Barre le Saint-Système. Laisse personne indemne. Notre sage engraine la foule et ramène ça au top. Mec, roule avec moi. Mon micro crache des morceaux. Elle raconte la violence. On gêne ceux qui tiennent à cette personne. Change ou se relance. J'aime mon poison, c'est le thème sur l'autotème. Si t'aimes, crie le fait et t'y viennes, c'est pas un problème. J'mène une nouvelle barre. Mes gars sont les mêmes. On débarque à peine que déjà les bras. Ramène leur peu d'aide. Ton mouvement, c'est eux qui tiennent. Et si tu veux rester dans ta pâte et jouer ta grosse chienne. C'est de l'arsenic pur et de l'arsenic dur. Quatre biches, t'as pas encore fini d'écouter le premier. Dans le deuxième, on te l'amène. Tu peux arrêter de prier, ma mère. Et crier amen. C'est quoi dans le sang, direct, direct dans le sang. C'est dangereux si tu flippes trop. Va chercher de l'encens, mec. On apporte du changement dans ta vie de bohème. Skyrock, tout le monde. C'est ma rage que j'aime sur disque ou sur scène. Si t'aimes ce son, crie l'ancien. Arsenic. À la prochaine tuerie, c'est le même tandem. Cherche pas le troisième, arsenic, c'est calme. C'est ça le thème. On remet ça à Mike Phénomène. Braque le Saint-Système. Laisse personne indienne. Notre sage entraîne à vous les ramène ça au top. Mec, roule avec moi. Hey, celle-ci c'est une spéciale pour tous les auditeurs, auditrices. Yeah. Tous les quartiers nous enfermés, tous les ghetto youth. Écoute celle-ci. Ouais. De l'est à l'ouest du sud. Mais le quartier chaud, même des cordes ouvertes. On est là, ça se passe en vivant et en direct. C'est moi. Monsieur Boss, c'est reparti. Rentre là-dedans. C'est moi. Pour tous les quartiers qui nous écoutent, pour tous nos soldats. Priorité, frère. C'est pas priorité à droite. Monsieur Boss, let's go. Partout les mêmes clichés, même quartier chaud, le même shit dans les chaussettes, le même basso, les mêmes chiens sans laisse, les mêmes chiennes, les mêmes miches grillées, les mêmes HLM, le même amour pour le cash, les mêmes lâches, les mêmes pompes qui lâchent, cache ton haut. Et si on arrache les chaînes, Zoron, Képi, traîne partout les mêmes jeux immoraux. Je crache mes poumons, lâche tout mon blé dans la frime, les polos, réflecte alcool au perf à la main. Je déprime mes rimes colo, béton comme le crime à la peau d'Escarla. Genre égout mes victimes, le respect passe par là. Les mêmes gars louches, les mêmes regards louches, la même souche, même mot dans la bouche, même pouce quand on touche. Les mêmes bifs, ton sale douche. Froide, les mêmes murs crades, la même merde qu'on brade, les mêmes bronzés sur la touche. Les mêmes peines, les mêmes peines de prison, même raison de craquer, les mêmes scènes de gosses traquer, le même horizon. Les paternels qui suent, les remets déçus, même joie, même rêve, les mêmes en dessous, toujours les mêmes au-dessus. Les mêmes sauces, les mêmes reçus à la fac, les autres à la fac. Les mêmes cul-sacs, les mêmes compracs, les mêmes faux culs, les mêmes pauvres cocus, les mêmes flics au cul, la même odeur de gémant, le même vécu, le ciment. Chaque foutu ghetto a sa propre emblème. Mais tous les quartiers ont le même problème. De l'est à l'ouest, du sud au nord, le même dégoût, le même décor, autour de la même peine. L'espoir de rouler sur l'eau pour voir s'évader de cette réalité. Les souffrances sont les mêmes dans les cités. De l'est à l'ouest, du sud au nord, le même dégoût, le même décor, autour de la même peine. L'espoir de rouler sur l'eau pour voir s'évader de cette réalité. Les souffrances sont les mêmes dans les idées. Différents styles. Yamassive, on enchaîne à reggae music pour tous les amateurs, tous les amateurs, toutes les amatrices. On fait le bilan calmement, t'entends pas quoi? Une spéciale pour tous les gens qui nous suivent depuis tellement longtemps, je peux pas te dire combien de temps. Jackie Brown et Benji qui vous disent ça, Monsieur Bor, c'est son planète rap, c'est pour lui. Il s'attend dans la maison, Simi là aussi, Monsieur Calbo, n'oublie pas. Hey, Jackie, tu leur dis quoi? Benji, let's go! Hey. C'est fou ce que le temps passe vite. La vie, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'à. toujours aisé. Sans trop dramatiser. Ce n'était pas toujours haut, c'est peut-être ce qui nous a motivés. L'esprit était Janek, marron, fait des vacapans à tête grainée. On préférait sécher les cours et rester spané en garde. L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles à l'époque. Dans les hauts, les gangs, Breaks, Murph, parfois se rebellent. Fresh Baby Boy représentait Gare Charcel. Je me rappelle, y'avait des bandes et des gangs, y'avait même des gangs. C'est vrai qu'on bandait à peine, mais on roulait. Ambition, objectif, devenir quelqu'un à point commun, celui de réussir par tous les moyens. Maintenant je comprends Benji que quand on était gamin, on avait le même itinéraire mais pas le même destin. Le temps passe, passe, beaucoup de choses ont changé. J'aurais pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait. Quand le temps passe, passe, beaucoup de choses ont changé. J'aurais pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si. Deuxième couplet. Benji, tu te souviens ce qui nous a donné l'envie d'écrire? L'oreille scotchée sur Skullgirl, car le coup de qui de la première rime naisse des jeux de mots, puis des jeux de scène ne cessent de s'enchaîner. Des MJC au sound system. Et puis en un éclair, nous voici sous les projecteurs. On s'adapte et on domine, professionnel ou amateur. Tu le sais, c'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Focus au sommet des hits, de là tout s'est passé si vite. C'est boule de neige, premier album, studio, promo, clip, vidéo. Les necks marrons s'exportent en live et prennent tous les publics. On est parti foutre le dawa. En première de style, Pels et Fujis arrivent pas. On a tout déchiré le 22 mai à l'Olympia. Baptisé le concert mythique avec tout le secteur. La musique m'a mis au fichage. Qu'est-ce que j'ai rêvé sans elle? J'ai esquivé les blancs douchages. Et c'est sur Skyrock qu'on vient leur bien. Et le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Parle des histoires d'avant comme si, comme si, comme si, comme si. Et le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu? Ah, t'entends pas quoi? On fait le bilan calmement. Toujours là, toujours présent, secteur A dans la maison, ici sur Skyrock. Ok. Live et direct de Skyrock, sortie de CBT. Yeah, spécial à toute notre famille congolaise. 242 toujours présent. Straight from CBT. Congo. Yeah, la team original Congos. Du bruit pour ton altesse. Mangeur de chikwang. Manioco dépressif. Double SU. Yeah. On est là en direct de Sky. Yeah. On met la pression, garçon. Ouais. J'suis pas de retour, j'ai toujours été présent. Pour ce rap, foi et raison, en toute saison. Plus de détour, j'suis comme Jason, j'garde ma toison. Depuis mon premier 45 tours, j'crache révolution. J'ai mon empire avec ma tête, mes poings, mes couilles. Mes lyrics doom, mon savoir, je sème le douille. Je sème le fou, donne ma vibe, vis, précis poule. Plaisir ou potence, autant n'emporte la foule. Dis-leur qu'on style au saigne, dis-leur qu'on lâche pas. Dis-leur qu'on force, on signe, on continue le combat. Plier, avancer le pilier dans le rap français. Cogiter au banc. C'est avec des phrases sensées, plier. Tout péter, t'as fait pour encenser. Les sens à la bouche, le penseur ne cesse de penser. Tu sais qui je suis? Parsi. Tu sais qui je suis? Parsi. Tu sais qui je suis? Parsi. Papa, Alpha, Sierra, India. Yeah. Double S. À l'ancienne, secteur A ce soir sur Skyrock. Tout le monde est à moi. Et ça sonne tout nouveau. T'as été parfait ou imparfait, à présent je fais. Je suis mineur, j'ai Montana, Noriega dans le cerveau. Un des genoux qui pour la maille au vice est devenu pro. Trop de blême pro dans mes propos, je me la joue escroc. Devant les flics, je vais oser à la Kaiser. Lardine et man, fait que mes chétanes planent au moins en bécane. Tu nous testes en te, tu contestes en te. Alarmé, tire l'alarmé si les flics sortent leurs armes. Comme à Parme, Palerme, le drame a son charme. L'eau du plus ouf, tu dis pas ouf, on s'en fout, on se fout. J'ai faim et comme disent les miens, un pour tous, tous sur un. Et au rap, ragarat, aux êtes là à la tape. Aux soirées, cité, ciné, série télé où les autres ont été pris. Tu verras, je réussis, je serai celui qui brille et claque. En pleine pénurie, je ris de tes faux pas, maintenant le monde est à moi. Trop de morts dans les quartiers, trop de cannes plantées. Dans des villes en t'es tenté, par la fonce de l'argent créé. Incite, excite, rien ne suscite la réussite. Trop de morts dans les quartiers, trop de cannes plantées. Dans des villes en t'es tenté, par l'agence de l'argent ancré. L'illicite incite, excite, rien ne suscite la réussite. Sur Skyrock, c'est Requiem ce soir, L.I.N.O. Yeah. Regarde le monde, arsenic. Yeah. Ça fait. Le bébé, tu me diras pas. pas. Ce monde est crade, j'aurais voulu rester au chaud. Ici c'est cru et pas, de l'amour y'en a pas. La vie c'est chaud, business et le fric se prend pour Dieu. Moi je suis riche en millions d'étoiles que le ciel a posé dans tes yeux. C'est ta berceuse, ma chanson le soir, je me confesse. J'ai emprunté la mélodie dans Scarface. Enfoiré de l'ascar, à mes combats je veux donner un sens. Vu que je suis devenu un homme le jour de ta naissance. Regarde le monde, je garde l'œil ouvert même dans la brume. Et sache que les serpents ont souvent les plus beaux costumes. Et que les blessures au cœur cicatrisent mal. Surtout que la haine ça peut détruire quand on la maîtrise mal. J'ai plus envie de fuir, je me suis retrouvé. Sauvé par l'amour, ta mère, et ce putain de co. Et je trouve mon bonheur dans peu de choses quand j'ai trop morflé. J'aime voir ta gueule dans le sourire, dans les bras de Morphée. Et on est comme fous, dans un monde sous morphine où les fées tapinent et où les anges se morfondent en foule. Mais trempe à nos peurs pour pas avoir l'air lâche. Et maintenant, tu sais pourquoi les hommes se cachent quand ils pleurent. C'est le cœur qui cause, et ceux qui me critiquent, dis-leur que c'est pas eux qu'on raquelle qui cause. À travers ma pro, je t'explique, avant de partir ensemble, que je t'aime aussi vrai que je le hais déjà mon futur chambre. Spécial pour Eden. Regarde le monde, Marina, yes. Regarde le monde, Pierre. Tu es content ou quoi, Steve? Jassy, Kélissa, Manley, regardez le monde, mes enfants. Yeah, Johanna. Noah. All right. Changement de cadence pour tous les amateurs de dancehall. Déjà qu'il y a l'heure dancehall, mais c'est rincé. Viens, enflammer la piste de danse. Viens, y'a du gros son et de l'ambiance. Viens, bouger dans tous les sens. Viens, tout est permis, pas d'interdit. Viens, enflammer la piste de danse. Viens, y'a du gros son et de l'ambiance. Viens, bouger dans tous les sens. Viens, tout est permis. Ce soir tout est permis, donc vas-y on peut y aller. Que des VIP, non personne n'est recalé. Ça se bouscule à l'entrée, à l'intérieur ça se déchaîne. Tout le monde clap, clap, clap. C'est les dance, le phénomène, ça bouge, ça danse. Dans la boîte ça transpire, vas-y secoue ton boule. Mais fais-nous plaisir, donne-nous la nouvelle danse, nouveau style. Et comme tout est permis, y'a pas d'artiste à danser. Viens, enflammer la piste de danse. Viens, y'a du gros son et de l'ambiance. Viens, bouger dans tous les sens. Viens, tout est permis, pas d'interdit. Viens, enflammer la piste de danse. Y'a du bon son et de l'ambiance. Viens, hey, bouger dans tous les sens. Tout est permis, hey, on est où là? Sois pas timide, mets-toi à l'aise tant qu'on est là. T'inquiète, tout le monde est prêt pour festoyer dans ma villa. Mis tes craintes, si mes nascars font la hola et que ça se bouscule. Toutes nos esquisses, fais pas la galère. Laisse-toi guider par l'ambiance. C'est y faire, tout est permis. Nouvelle tendance, lâché, danse, dans la soirée. Danse, danse, on est serré. Danse, allez, que réduis la distance, reste bien collé. Viens. On est hall pour l'ambiance, tu peux rigoler. Viens. On va couper, viens. Décaler. Viens. Les classiques français, ne reste pas isolé. Tiens. Toi bien à la bouteille, on va percer les boîtes. Tiens. Le dur noyau pour les hauts, les repousser les boîtes. Viens défouler ton cul, faut le décoller. Ton banc ramène ta gueule ici. Viens. Enflammer la piste de danse. Viens. Y'a du bon sang et de l'ambiance. Viens. Bouger dans tous les sens. Viens. Tout est permis, pas d'interdit. Viens. Enflammer la piste de danse. Viens. Y'a du bon son et de l'ambiance. Viens. Bouger dans tous les sens. Viens. Tout est permis. Viens. Pas interdit. Yeah. Yeah. Dédicace à tous nos quartiers, tous nos ghettos. Gare Charcel, toi-même tu sais. Toutes nos provinces, toutes nos banlieues. Ville-et-le-Bel, 6ème Chaumont. Ça dégénère pour un oui ou pour un non. La routine quotidienne met les jeunes sous pression. Y a-t-il une solution pour calmer la tension? Avant l'hémorragie, un bien avant l'autodestruction. Ça dégénère pour un oui ou pour un non. La routine quotidienne met les jeunes sous pression. Y a-t-il une solution pour calmer la tension? Avant l'hémorragie, un bien avant l'autodestruction. Je suis témoin d'une effrayante réalité. Les blocs stressent la jeunesse, mec, ma cité va craquer. J'assiste au quotidien à des échanges, des rivalités entre jeunes du même clan, du même sang, du même quartier. Tous se testent, tous veulent prouver. Sans parenthèses, tous veulent gagner le respect. Sans les bastos, tous veulent brasser des billets. Sans trahir les sauces, tous tes problèmes font que beaucoup finissent dans la fosse. Et c'est le même. C'est le bordel, les petits ont banni le droit des nefs. Ils sortent le push, qu'à le slash et ils n'hésitent pas, ils blessent même. Ceux qu'ils avaient pour idole ne sont plus du décor. Ras-le-bol des chemins qui mènent à la mort. Écrous au ont déjà donné les va-et-vient du checker au placard. Là, se tout abandonné. Et là, souvent, seuls ceux qui sont allés le savent. À leur insu, d'autres agissent, commettent des fautes graves. C'est pire en pire et je suis pas fier quand je regarde nos vies. Savoir nos amis enfermés, le fleuri à au lit. Triste état des lieux auxquels je ne peux faire pas face. Et agir sur ce qu'est l'homme. R pour un oui ou pour un non. La routine quotidienne met les jeunes sous pression. Y a-t-il une solution pour calmer la tension? Avant l'hémorragie interne, avant l'autodestruction. Génère pour un oui ou pour un non. pression pour calmer la tension. Attention, attention, attention. Là c'est l'homme qu'on appelle Singila. Hey yo. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Sing the song. Yo. Chantez, Singy, chantez, chantez. De Kinshasa. J'ai écrit sa panne de danse, sacrilège pour du chant, ouais, c'est de spi, oh, on s'en fout des flugies. Je suis ma vibe, on vient me dire que c'est trop de trash pour du R&B. Oh, je suis encore à mon tour de choc pour donner des textes crus sur un thème de con. Faudrait que je parle de poupée, mais je parle de pute. En plus, y'a trop de mots, de flow, c'est trop ghetto. Ils veulent le son de la rue sans un truc qui est chaud. C'est pas à moi de m'adapter à leurs oreilles. Je fais mon kiff et mon style est sympa. Je rappestive à mon style, même si je veux de l'oseille. C'est moi l'artiste, donc c'est qui imprègne. Pourtant les instruments bandent quand je chante. Je donne aux glandeurs la folie des grandeurs. La tête pas de mesure à la Stevie Wonder. Signature d'un ghetto compositeur. L'homme s'appelle Singila. Ghetto compositeur. Et c'est la signature d'un ghetto compositeur. Singila. Celle-là c'est une spéciale pour tous ceux qui nous écoutent derrière les barreaux. Yes. Une spéciale demande de Lino. Yes, le maton me guette. Yeah. Tous les frères enfermés. Les menottes, les notes, oui. La machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité. Poche vidée, ensuite lacée. Ceinture enlevée, feu d'artifice et l'armistice. Le pays est en fête, pour moi la fête en garde à vue. Dans les cages de la police, oui. 9h, 11h, parle. Ton nom est sur le tas, j'ai fait 6 pas. Dans l'enfer des galères, la poisse, les empreintes, les plaintes et ce tribunal. Ma famille et mes proches ont soutien principal. Pimpon, les flics éclatent, roulent à fond. Bon, mon avocat est clair, mais le juge persévère. Il est 20h, mon matricule 49-203. Je rentre en cellule des 128, la porte claque, mon cœur bat. Mon cousin 49-204 me parle de date, me mate, enchaîne, soleil, business et rat. Troublé dans ma tête, mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent. Et le matin, mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée. Le derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête. Et le matin, me guette. À tous ceux derrière le barreau. Spécial pour tous les gens enfermés, pour nos frères. Je pense qu'on va faire un bruit ici dans le studio. Faites du bruit pour. Pour ce début de concert, et c'est loin d'être fini, dans un instant on va vite revenir sur Skyrock avec les invités de Lino ce soir, le Sectora, il y a Arsenic, il y a les Nègres Marrons, il y a Singila, vous l'entendez, Passy aussi, et puis ce titre magique, le Maton Muguette. Bah, il faut aussi faire un big up à Pete et à Stomy qui sont pas là. Il y a le fiston qui est là. Il y a un représentant. Attention, il y a un représentant sur la droite. Là. Une spéciale pour Bouboule, le top. Vas-y, Bilal. Bouboule qui est là aussi. Il y a un truc pour le down. Il y a Bouboule qui est là, Kenzie, Getch. Getch dans la maison. Kenzie en par esprit. Vas-y, vas-y. Non, pour le daron, le daron, il est pas là, il est à Los Angeles. Mais qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il comprend? Il prépare du ketchup. Tu connais des petites sauces. Représentant officiel. Ouais. Là, il prépare son album, il est en train de terminer, ça sort le 30 mars. Il s'appelle Royalties, l'album du daron. Yes! Tommy Bucky, le 30 mars. Eh ben, loupez pas, Tommy. Merci en tout cas d'être tous là dans un instant. La suite du concert. Et petite question pour repartir. Alors, c'est pas pour vous la question, mais pour les auditeurs et auditrices de Skyrock. Pour repartir avec la Samsung Galaxy Tab 4, la tablette. T'es sûr que tu vas en parler? Ouais, je vais en parler. C'est à l'occasion de la sortie du film Sous X qui est sorti mercredi. Vous repartez avec une tablette. La question est simple. Quand a eu lieu le concert, même, j'ai envie de dire, les concerts mythiques du secteur A à l'Olympia? Quelle date? Les deux dates, il y avait deux dates. Vous les balancez au 41-759. C'est pas une chanson. Et le plus rapide d'entre vous repart avec la tablette Samsung Galaxy 4. Je peux répondre, 4. Moi. Non, bougez pas, on revient après la pub. Ouh, je m'appelle ma meuf. Comme toi, Lino a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Et on finit en beauté ce soir avec Lino, évidemment, pour son Planet Rap et l'album Requiem. Et avec ce soir aussi dans le studio Arsenic avec Calbo, Passy est là, les Nègres Marrons, Singila. On a salué aussi Stomy, évidemment. On n'a pas dit un petit mot sur Gynéco parce qu'il y a beaucoup de messages qui disent ouais, Gynéco du Sectora, évidemment. On salue Gynéco aussi. On salue aussi. Déjà pas lui. C'est le frère, c'est le frère. Les messages, vous les balancez. Vous réagissez avec le hashtag Lino sur Skyrock. Et on est reparti pour la deuxième session du concert. Deuxième session direct. Après l'entracte. La tequila aussi qui vient d'arriver là. Bex, tequila. Bex. Spécial pour Evou de Villiers. Bex. Mex. Cabadou. Quand vous voulez, Noise est au platine. C'est Brex. Mais on n'est pas tout seul. Alors s'il y a du monde et s'il y a des gens dans les studios, on veut entendre du bruit. Faites du bruit. Il y a une affaire de famille ce soir. Ok. Skyrock. Hey. On est en famille, on est bien. Yeah. Une spéciale à Doc Gynéco. Une spéciale pour Asia. Yeah. T'attends pas ou quoi? Gynéco. Yeah. Okay. Arsenic. Arsenic. Arsenic. Affaire des mimifs. Yeah. Let's go. Yeah. Familia. Ok, monsieur Boss, tu dis quoi? Tu sais qu'on prend des risques sur ce disco. Micro en pause, notre discours sur Big Disco. Miss Point, c'est ton disquaire. Bisco, fond, on veut tous percer le plafond. Je fous de la forme dans mon fond, Max que mes scars la font. Et si ça parle à fond, fout ta radio et dis aux gosses fous qu'il faut foncer pour ses idéaux. Et pour que silicone, j'ai plus à quel sein me vouer. Sur qui compter quand scroll ma clique, ma seule bouée. Famille, c'est mes sauces, on a sauce. Pour tous les gommes, gommes grosses, ça m'a grosse pour mes. Venu pour trôner, le bis du siècle, le casse de la décennie. Saisis les semis, l'affaire qui roule pour l'état, le semi. La roue a tourné, c'est ma tournée. Tour avec nous, cours avec ton verre. Craque et vitre tout la journée. La nuit, on crée des scratchs, des faussaires, des boulons sur Paname, des roulons, tout ce que nous voulons. Rime dégueulasse, des histoires de slash sous flash. Pendant deux heures gratuites, au vache. Il y a des styles proposés sur ma compile. Tu joues l'hostile, mais y'a pas de soulet viril. Rendons le verbe à ceux qui cognent. Dur. Au-delà des mots, on fera tous la sale besogne. Je peux pas mentir aux jeunes, non. Leur dire que j'ai des gueules. Fais pas ça, pas non plus qu'ils pensent qu'on peut s'en sortir seul. Calme, posé, les miens en veulent. Violent dans tes rap, écarte-toi et joue et ferme ta gueule. Y'a pas de gangster dans les studios, y'a que des grandes gueules. C'est le même temps. T'entends pas quoi? C'est une affaire de famille. Depuis longtemps. Le S à Tréma, vivant en direct. Le 0 jusqu'à la mort. À Tréma. Asia, chante pour le peuple, Asia, chante. DJ Noise au platine. On va repartir en mode première classe. PC. Yeah. On fait les choses, on s'arrange une spéciale pour Mystique en live Mystique, and direct. Mystique. ROH2F. ROH2F. Bacardi Pite. Bacardi. Jackie Brown. Neg Marron, première classe. Moi-même Benji. Yeah. Ça faisait comment déjà? On y va, on y va. C'est. Si je dois te lâcher, je vais te lâcher de rabotrier. Allez. On revient foutre d'awa pour les rater l'escarlate. Je vais brûler comme du teshi et fumer comme un split de seul. Benji Jackie déchire pour le secteur A. Si je dois te lâcher, je vais te lâcher de rabotrier. Allez. On revient foutre d'awa pour les rater l'escarlate. Je vais brûler comme du teshi et fumer comme un split de seul. Vas-y Benji. Ok. Écoute ce style, écoute ma voix. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Comme qui dresse la rime et tchatch sec, ça tu le sais déjà. J'atterris sur le beat avec Mystique, Rolf et Pete. Bacardi. Jackie, mon acolyte, me court circuit. Clic, clic. Ça défouraille et je ne vais pas faire de détails. Je vais te triper, je vais t'égorger, je vais transpercer tes entrailles. Coup de frontier, qu'un coup d'œil, qu'un coup de palade comme un boxeur. Mec, tu vas saigner, c'est clair, j'ai un style qui cisaille. Mais ma tactique, j'ai la guerrière et ma saille. Je terrorise mes ennemis, pas touche, pas, je fous la pagaille. C'est Jackie que tu me clashes, qu'est-ce qui se passe? T'es chic taille. T'as 10 secondes pour t'excuser ou préparer tes funérailles. Mais ma tactique, c'est l'attaque. Les renettes, pas de micmac. Je ne vais pas jeter des fleurs à ceux qui méritent des claques. Non, j'ai des lyriques en stock, des vagues, des blagues en bloc. À la disposition, si je dois te lâcher, je vais te lâcher, te rabotrier à l'heure. On revient foutre le dawa, le dawa, le dawa. Je vais brûler comme du teshi et te fumer comme un split de zèbre. Mais tu j'as qui déchire pour le secteur A. Si je dois te lâcher, je vais te lâcher, te rabotrier à l'heure. On revient foutre le dawa pour les rater l'escarlate. Je vais brûler comme du teshi et te fumer comme un split de zèbre. Le secteur A sur Skyrock en live and direct. C'est comme ça qu'on fait les choses, non? Yeah, c'est comme ça qu'on fait les choses. Yes. Derrière un classique s'enchaîne un classique. 19 voici passé dans la vague pour Paris. Ma famille est nombreuse, à Babylone on atterrit. Au pays la vie est rude, le voyage est donc le prélude. Ouais, l'épisode Néga Sarcelle venu pour faire ses études. Avec l'Aziz, crise au fond de la classe, nos places assises. On baptise nos bis bêtises, nos premiers vis aiguises. La 5, l'estrange, Goldorak au thème de jeu. C'était les jours heureux pour un petit Renoir fougueux. 13 ans, j'ai mal l'époque du centre commercial. Mais ma casa préférée était prise sur escale. Ça marchait souvent, donc on y allait tout le temps. Tantantique, clic, clac, clac. Pour des briques à braille. Internat après conseil, besoin de supériorité. Car les embrouilles, les années, les AJP m'ont chopé. Moi dans le quartier, poussé à aller taper. J'engrainais les miens, à bouger serré. 91, premier disque, première part dans les bacs. 98 jusqu'à 2015, la bataille n'est pas finie. C'est voici en solo pour un nouvel album. Chacune de métropole est aussi pour les dames. Être pourquoi tant de haine, 95 de sens, c'est la même. Comme dans le passé, il refrappe, c'est toujours. Pourquoi tant de haine, 95 de sens, c'est la même. Comme dans le passé, il refrappe, c'est toujours une. Monsieur la à Jimmy Sissoko. Est-ce que ça va toujours sur Skyrock ce soir? Est-ce que vous êtes là? Faites du bruit. Une spéciale pour Méline, elle adore ce morceau. Ma petite Méline, ma nièce. Ça, c'est le big tune de Singula. Aïe, aïe, aïe. Et jusqu'en Afrique. C'est dédicace en Afrique. Brand new Singula. Singula, sur ce titre, tu vas te déchirer. Pour toutes les ladies. Ah, on l'adore. Famille, Fabel. Il arrive en France maintenant. On joue avec lui ce soir. Big tune. DJ Noise, DJ Noise, on remet sa poule. Hey, c'est Monsieur Singula. Hey. Une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il le faudra. T'entends pas ou quoi? Boum, boum, boum. C'est la famille. Une spéciale pour Marie. Et je me suis tué la voix. Je viens de Malabo là pour la coupe de, pour la canne. Africa. Yo. Veuillez accueillir comme il se doit Monsieur Singula. Écoutez l'album Singula. De Elieno dans les bacs. T'entends pas ou quoi? Singula. Okay. Sur Skyrock. Singula sur Skyrock. Singula sur Skyrock. T'es la rossignol. C'est dans les rossignol. Rossignol. T'es la rossignol. Je viendrai chanter à ta fenêtre. Que tu penses à moi même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette. Pour distinguer les courbes de ton corps. Je veux que tu sois mon trésor. Te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé tel une sirène. Mais quel envoûtement. Tu veux rien que pour moi. Tu veux rien que pour moi. Team 240. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. Secteur A. De t'habiller, tu es si coquette. Ton regard me donne de bons frissons. À tes côtés, je m'affole, je perds la tête. Ta voix est la plus belle des chansons. Je ne suis pas une contrefaçon, mais bien celui qu'il te faut, moi. J'ai mis du temps à te trouver, laisse-moi te prouver ce que je veux. Oh, je ne suis pas ma palette dans le vent. Entre les quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène. Chante petit, mais chante. Quel envoûtement, te veux rien que pour le Singula sur Skyrock. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe, agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. Secteur A. Elieno. C'est ça, c'est ça. Bon, ça l'album Requiem, c'est une grosse fête, une grande, grande fête ce soir. Ah, yes. Que des classiques. On va au Congo, si on va. Menu best-of. On monte sur le ring. Box avec Nemo. Yes. Boss Balboa. Yeah. Skyrock, Skyrock 2015. Pour l'album, je pense avec les morts, ça avec les morts. Puis tu viens sur le beat, le poison, le poison, flow, la flow, ou la flow, mon flow, fait swinguer la foule. Dans sur l'air de la lame, le chant des fusils, l'air est malsain, c'est une époque à damner un saint. Dans ma usine, lâche le mort, j'accuse, arrache la muselière, casse. Mâche plus mes mots, je lâche des bombes à chaque fois, ça. Parce que leur âge est proche, tasse. Ta mère tient tes proches avant le glace. Peu rassemblant, Rinda est dans la roche, attache. De la portance au sens, dans mes textes, pose, pose. Misère en prose, puis exploser pour la bonne cause. La PJ sous une bâche, à qui profite la guerre? La PJ sans sur un cap, moi je veux leur choix, ce n'est guère. Entache mon business, puis cache la vérité, les coups sont mérités, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai hérité de la violence, ça afflue sur mes compositions. Qui prétend faire du rap sans prendre position? Faire opposition, ça me connaît, moi je veux cogner en faisant sa monnaie, donner puis recevoir au bonheur, m'abonner. Avec les mots, je vis aussi chaud. J'ai sur le dos à mordre les barreaux. Les formules et autres politesse, nous on s'en fout. Tu kiffes pas, Renoir, t'écoutes pas et puis c'est trop. J'ai des deux non-sens comme un virus. Superstar dans le ghetto. Comme à la roulette russe, les taux se resserrent, l'état met le veto. Les jeunes se mettent au rap très tôt, ils frappent la résistance et prêt au micro de VFC à veto. Les barreaux de prison, si t'enfermes l'expression orale. Nique la morale, le rap est sous pression quand l'inoral. De pression de la gâchette ici ou le viscère. Mon album s'achève comme un douche bien viscère. C'est moi la pointe, les mots des frères je soigne. Mais moi en témoigne, si l'enfer est pavé de bonnes intentions, que le port s'éloigne encore. Un autre prétexte, un texte violent, mais voilà. J'ai pas joué du violon ou faire des rimes à la mort. Moi là, un solo. Mon solo rap shoot, crée le doute. Lègue moi le micro, déjà les accros veulent des bootlegs. Écoute, arsenic c'est pas une black queen. Gueule kiffe le single, laisse la tête au black queen. Avec les mots, les buts mes frères sur le beat, le poison, que la flow, ma flow fait swinguer la roue. Si le rap part en couille, je lui prête mes mots. Je bourse avec les mots, avec les mots. Les buts mes frères sur le beat, le poison, que la flow, ou la flow, mon flow fait swinguer la foule. Et si le rap part en couille, je lui prête mes mots. T'entends pas ou quoi? C'est Skyrock ce soir en fait. Happy birthday niggas. Requiem dans les packs. Dans la rue, l'humeur est sale. C'est rien. De la rue montent les rumeurs. Ça va pas bien loin. Et si les casques bleus calent. C'est rien. Et si c'est chaud sur l'asphalte. C'est rien. On passe les barricades, on pète les barrières. On a la barre, on déraisonne et on craint plus personne. Toi t'appelles les renforts, la rage nous renfort. Sonne ta retraite, c'est ton heure qui sonne. Assistible aux propagandes, des mecs qui glandent. Ceux-ci bandent hélas et veulent tout péter en bande. Comme dans un James Bond ou un Banderas. Là t'as pas de télécommande dans ton nita. On force aux foules des ordres. C'est rien. Pour toi on est une corde. Ça va pas bien loin. On verra l'antenne déraciner ton chaîne. On va changer les programmes. C'est ta première chaîne. Ouais le bordel. Les paroles. Le bordel. C'est rien. L'intention. La tension. Tout ce qu'on vit dans nos quartiers. Ça va pas bien loin. Le bordel. La désunion. Tout ça. C'est rien. La réunion. Et tous ensemble, c'est pour vous, Skyrock. C'est le 9 ce soir sur Skyrock. Requiem. Et avancez. Et on paie ce soir. Y'a tous les styles. Le conteneur il est chargé. Des hommes. Mais dis-moi si vous êtes tous OP. Pour débouler, vous te d'envoi dans la salle. Les marrons sera toujours OP. Pour soulever la foule sur un son qui fait mal. Mais dites-moi si vous êtes tous OP. Pour débouler, vous te d'envoi dans la salle. Les marrons sera toujours OP. Pour soulever la foule sur un son qui fait mal. C'est le son que demande la jeunesse. Rien à faire, ça met trop la pression. C'est le niveau qui progresse. On nous laisse donner un vibe et parler ton stress. C'est la manière et la façon. T'es à la bonne adresse. T'inquiète, la famille est toujours équipée. Tu sais l'état au DJ. Toujours au PNJ. Des classiques aux toutes dernières nouveautés. On est tous comme des Enigman. On est pas small man. Y'a pas de Soso ni Coco dans mon équipe man. Que des Totoyou, des Mora, des Dédouman. Chachez nous cette bonhomme qui pisse le bout de mandat Fafa. Bon bref, t'es mal à classe quand on kick sur la rythmique. On est OP. Ça c'est le gimmick. Quand t'es en bourse avec un style unique, secteur A. Vous êtes tous OP. Pour débouler, foutre le dawa dans la salle. Les barons sera toujours OP. Pour soulever la foule sur un son qui fait mal. Mais dites-moi si vous êtes tous OP. Pour débouler, foutre le dawa dans la salle. Les barons sera toujours OP. Benji, deuxième couplet. Faut divertir la famille. Cousin, cousine, frange à frangine, c'est trop massif. Quand ça défile, on est nombreux, des vrais par milliers. Nos supporters qu'on ne pourra jamais oublier. Si je fais plus kiffer les miens, à quoi ça sert, man? Avec marron, c'est deux gars. Des bêtes de showman, OP. On est en place et on aime ça. Faire bouger la masse, Jackie, dis-leur ça. J'arrive avec un flow fly, un flow wiki-diki. À tous les ganja smoke, à celle-ci, je la casse des dix. Laissez-moi passer, je suis ni chiré, ni foncé. Dans mon coca, y'a toujours du whisky bien dosé. Bien dosé. Comme dans mon couplet, il a menti, c'est lui qui dit claqui. J'en ai pas cliqué. Toujours imité mais jamais égalé. Secteur A et OP. Dites-moi si vous êtes tous OP. Pour débouler, foutre le dawa dans la salle. Les barons sera toujours OP. Pour soulever la foule sur un son qui fait mal. Mais dites-moi si vous êtes tous OP. Pour débouler, foutre le dawa dans la salle. Les barons sera toujours OP. Pour soulever la foule sur un son qui fait mal. Opérationnel, bordel. Elle est dans les bacs. Et ce soir c'est Secteur A sur Skyrock. Ok, toujours avec la vibe et la bonne énergie. En vivant et en direct sur Skyrock. Parce que mon Secteur A, on va leur donner un truc qu'on appelle le fast style. Le fast style c'est un style, t'as vu. Il faut savoir le maîtriser. Et dans la famille, dans l'équipe, on a le... C'est rapide. Le roi du fast style. mon frérot qu'on appelle Benji. Hey, Benji, dis-le ça. Je n'ai pas, non, pas de limite. Mon département, c'est l'élite. 9-5 gangsta, on a le jam que des ouf, mais c'est même pas de test. Et vite, vite, vite, vite, vite. Donc, clic, clic, sur mon terre-terre, c'est la zone interdite. Tu fais le con, boum, ça explose. Comme du C4, bonhomme, c'est de la dynamite. Ouais, ouais. Mon département arrive en boule d'estin, événement. Trop de rage, trop vulgaire dans nos propos, trop d'ADN et nos comportements. Ah, flow aiguisé, aiguisé. Je viens t'aviser, viser. Mais c'est même pas de test, hey. Encore. Je n'ai pas, non, pas de limite. Mon département, c'est l'élite. 9-5 gangsta, on a le jam que des ouf, mais c'est même pas de test. Et vite, vite, vite, vite. Clic, clic, sur mon terre-terre, c'est la zone interdite. Tu fais le con, boum, ça explose. Comme du C4, bonhomme, c'est de la dynamite. Ouais, ouais. Mon département arrive en boule d'est, un événement. Trop de rage, trop vulgaire dans nos popos. Trop d'années dans le comportement. Faut aiguiser, aiguiser, je viens t'aviser. Viser, c'est même pas test. Si tu piges pas, serre les dents, tu vas morfler. Gif dans ta tête, gros, pour tout faire sauter. Ma sec, rentre sec, mec, personne peut sauter. C-A-L, gangsta, ceux qui kiffent voter. Quand ça baise, les tables bleues, toujours au B. Casquette, bronze, brute, coupe, coupe, fly, t'arraches pas de ma zone, MC ou en traquette, c'est chaud. Aïe yo yo pour les frères au cachot. Abdoulaye, à la mort, c'est de la bonne, t'inquiète. Hey, je n'ai pas de limite. Mon département, c'est l'élite. 9-5 gangsta, on a le somme que des ouf, et c'est même pas test. Et vite, vite, vite, vite, fais ta clic, clic sur mon terre-terre, c'est la zone interdite. Tu fais le con, boum, ça explose. Comme du C4, bonhomme, c'est de la dynamite. Ouais, ouais, mon département arrive en boule d'est, un événement. Trop de rage, trop vulgaire dans nos popos, trop d'adénaline dans le comportement. Flot aiguisé, aiguisé, je viens t'aviser. On n'avait pas de dents, tu vas morfler. Des délimités, le périmètre de sécurité. Des tonations verbales, j'ai la bouche dynamitée. Avec un débit direct, eux ont le débit différé. T'inquiète, ici ça clique sec, mes cailles sont déterminés. Laisse passer mon gène, j'ai le micro, j'ai la haine, tu ressens les dangers. Donne pas changer les MC, vont manger le hip-hop, on vient venger. Ça, des fourrailles, sur le beat, c'est Abdoulaye. Sorti tout droit des ténèbres, barbare, propos, je viens me faire pépon. Trop sale, trop tôt, la barre pour Kekro. Trop rap, trop fort, trop squal, trop gore. J'ai un ton d'Abdoulaye, la calage dans le cerveau. Kamikaze, on débarque et les balles parlent. C'est le bal des claques pour les balles tringues. Les balles frappent, c'est le banc tout. Ça m'achète, la bande qui bataille. Un bac de chien de poteau, on baisse le bis, ben bâtard. Pas de limite, le département c'est l'élite. 9-5 gangsta, on a le somme que des ouf, mais c'est même pas test. Et vite, vite, vite, vite, vite, vite. Clic, clic sur mon terre-terre, c'est la zone interdite. Tu fais le con, boum, ça explose. Comme du C4, bonhomme, c'est de la dynamite. Ouais, ouais, mon département arrive en boule d'est, un événement. Trop de rage, trop vulgaire dans nos propos, trop d'adénaline dans le comportement. Flow aiguisé, aiguisé. Et donne-moi un pull-up, DJ Noise, pull-up ça. Je n'ai pas, non, pas de limite. Mon département, c'est l'élite. 9-5 gangsta, on a le somme que des ouf, mais c'est même pas de test. Fais vite, vite, vite, vite, fais ton clic-clic sur mon terre-terre, c'est la zone interdite. Tu fais le con, boum, ça explose. Comme du C4, bonhomme, c'est de la dynamite. Ouais, ouais, mon département arrive en boule d'est, un événement. Trop de rage, trop vulgaire dans nos propos, trop d'adénaline dans le comportement. Flow aiguisé, aiguisé, viens t'aviser. Viser, n'essaie même pas de test. Si tu piches pas, serre les dents, tu vas morfler. T'entends pas ou quoi? Yeah. Yes. Là on fête l'album de Lino, yes. Billy Elbel, Requiem. Requiem. On fête l'album, yeah. On fête l'anniversaire de Ben Soul. On fête tout en même temps ce Arsenic. Soir Arsenic, 32 piges. Spécialement yes. Pour Steve. Allez acheter Requiem, c'est de la bouche. 33 piges. Billy King, Billy King, hein? Quand on est vis les baskets blanches vilées. Billy King, Billy King, Billy King. Quand on est vis les baskets blanches vilées. Billy King, les baskets blanches vilées. Billie Jean, Billie Jean, yes, Billie Jean, yes. Quand on dévisse les baskets blanches vilées. Billie Jean, V.A.L. 2h, gros suspect, béton camouflage. Vend les flics à 3h, occupe les vides, ça sent l'outrage. Même sans taser, y'a de l'ambiance électrique. Écraseur de crâne de Greg Fritz, le béton crame en réplique, on les canève le majeur. On les nique les raseurs. Faut sortir le croco, chargeur plein dans les locaux. Nageur, on ne trouve point de la largeur. Le filtre est maroco. La 90 Air Max, la joue Kaiser. Sosé, les films maroco. Je rappe à la faveur des halls explosés de nos vies locaux. Billie Jean, Billie Jean. Quand on évisse les baskets blanches vilées. Billie Jean, spécial à Billie Elbel. Billie Jean, tous nos gars de Billie Jean. quand on est ficelé, basket blanche, et constant dans la maison. Le 8-6, Bavaria, alcool blanc rouge, navigato. Guerreville, c'est commissariat, lâche la colle, donne le spliff sur mon navigato. Y'a les boulettes, sur 20, Roland Garros. Roule, fait les filles du carrosse, fin zoulette, puis la châtelet, raccole 3 quarts, cuir épaulette, j'suis en vie, ça s'arrose. Jim Weston, Scott, Cosmos, Skyline, T. La police questionne, on dit rien, c'est violent, mais c'est pas elle, elle est un commandiste. Soirée coupe-gorge, descend terre l'air, des coupe-gorge. Bon puissant, vilain, embrouille, pente glissante, tu seras poil, t'es en couille, t'as merdé. 9, 5, c'est la gare Charcel aussi. Quand on est vif, les baskets blanches filées. Billie Jean. Tout le 9-5. Billie Jean. 95 Val d'Isle. Billie Jean. RMA 2L. Quand on est vif, les baskets blanches filées. Billie Jean. Kaira dans le sang, on peut pas changer. On l'a dans le sang, on peut pas changer. Kaira dans le sang, on peut pas changer. On l'a dans le sang, on peut pas changer. Elle est Billie Jean. Yes, Billie Jean. Album de référence classique. Quand on est juste les baskets blanches, Billie Jean. T'as pas ton album, cours dans les bacs, les chercher rapidement. Quand on est vif, les baskets blanches, Julien, Billie Jean. Amzoulé, 9-5, 6-5, 6-5, 6ème show. Enfoiré, 6ème show. Yes, yeah. Voilà. Wesh Carlos, bienvenue au 6ème show. Le taxi t'a fui, yeah. Bang, bang. Yes, yeah. DJ Noise. C'était secteur. À l'instant, faites du bruit pour ce magnifique concert qu'on a eu ici. Ouais. On fait comment 6. Magnifique. Avec Passy, avec Lénègue Marron, avec Singila, avec Arsenic. Voilà, faut dire. Avec Carmondo Toxique, Tequila Flex, c'était là aussi. Yes. Voilà, on est venu pour marquer la sortie de cet album. Voilà. Requiem, l'album solo de Lino. Yes. Un album bien travaillé. Un album qui fait plaisir à ceux qui aiment le stylo, ceux qui aiment le fond, la forme. Exactement. Donc voilà, Lino, c'est un des bons techniciens en France. Et alors, la question, c'est quand la tournée sectorale, hein? Bah, c'est la question qu'on nous pose dessus. Là, c'est Lino qui est chaud, c'est Lino qui va répondre. Je vais décider. C'est Lino, là, c'est lui qui. Quand je serai bon, j'irai. Quand est-ce qu'on démarre? C'était les répétitions, là. T'inquiète, c'était les répétitions. On est là, c'est la famille, on va préparer tout ça. Comme ça, voilà, c'est les classiques sont dans la poche. Ce soir, on a donné un extrait. Mais voilà, il y en a plein. Cette année, il y a beaucoup d'albums qui vont arriver. L'album Nègre Marron arrive, il est déjà prêt. Nègre Marron aussi. J'ai vu deux clips là. Oui. C'est costaud. C'est du sérieux. Ça arrive. D'ailleurs, j'attends le remix, Jackie. Ah, oui. Hein? Et Issa aussi prépare son album. Oui, Passy prépare son album. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en 2015. Singila aussi. Le Rossignol de l'équipe. Le Rossignol de CBT. Marvin Bled. C'est le prochain restaurant où vous invitez. Donc le restaurant La Luna, bon, c'est un resto Chang, la Wave mon, à Metz. Mon pote Chang, j'ai mangé là-bas, c'est génial. Voilà, vous demandez Carmen. Dans le restaurant commercial de Wave à Metz, le restaurant et on demande Carmen, ok, on a compris. La Luna. Donc, demandez Carmen à l'entrée. Monsieur Boss, vous aurez la table de Calbo. Voilà. Merci à vous tous en tout cas. Fred. Ouais. Yes. J'aimerais quand même dire un dernier petit truc. Vas-y, Jackie. Pendant 2 semaines, t'as vu, il y a eu la ferveur dans les locaux, dans les locaux de Skyrock. Et c'est vrai que même autour de nous, il y a un gros engouement autour de cet album de Monsieur Bors, de Lino. Donc tu vois, au-delà de faire du bruit, au-delà d'en parler, j'aimerais que vraiment tous les supporters puissent vraiment faire un acte sérieux et aller acheter ce putain d'album qui est vraiment lourd. Et faire la photo. Qui est vraiment lourd. Et faire la photo, faites ce que vous voulez en tout cas. Il y a du fond. Montrez que vous soutenez, que vous êtes derrière. Et les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux. Et t'as vu, 10 balles c'est rien, on claque ça tous les jours. Enfin, bref, En tous les cas, quoi qu'il en soit, je vous demande de soutenir ce projet. C'est un acte citoyen. Voilà, c'était. J'adore ce mec. J'adore ce mec. Mais d'abord, il faut que je prévienne. Il faut que je prévienne. Comme Gijon, c'est remboursé par la Sécu. Voilà, en tout cas. Mais t'as raison de le préciser, ouais, en tout cas, Jacques. Allez acheter cet album parce que. On pourra dire ce qu'on veut, on pourra dire que oui, Monsieur Bors est le meilleur rappeur et le rappeur préféré des rappeurs, oui, nous des le Français. Savons, des Français, mais Monsieur Bors est en campagne, alors s'il vous plaît, allez faites un dire. Acte, allez acheter cet album. Et ça fera du bien à tout déjà, je vais conclure légèrement. Avec le mot de la fin, le mot de la fin, ouais. Mais déjà, je vais remercier tous les gens qui sont allés l'acheter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés l'acheter déjà. Donc, déjà, gros big up à tous les gens qui sont allés chercher l'album. Et ça continue. Tous ceux qui remplissent les salles d'Arsenic. Voilà, tous ceux qui remplissent les salles dans la tournée. Ceux qui suivent, même toute la famille. Faut pas oublier Daphné qui nous supporte aussi. Ouais, qui est là-bas. Un spécial pour Daphné qui est dans l'ombre, mais. Tu sais quoi? Voilà, qui manage tout ça. Je viens à peine d'arriver, je vais acheter l'album direct. Gilles je poste la photo sur Twitter tout de suite. Merci Cédila pour cette acte. Si okay, okay. Merci vraiment Nino pour ces deux semaines. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et c'était chaud. Merci à Passy, merci à Calbo qui était là, merci à toute l'équipe, merci au Neg Marron évidemment, Cédila. Et on se retrouve très vite en tout cas. Et l'album Requiem, allez-y, soutenez tranquille. Vous retirez l'album. On est très à la bourre, il est grand temps de retrouver Diffoul maintenant. Et toute l'équipe pour la radio de Marie. On est là, on est là, on est là. Et j'entends Foul qui est là, qui vient d'arriver. Et oui, ouais. C'est parti pour la Radio Libre, Fredo, la Radio Libre qui démarre. Et merci à Lino pour cette 15 jours de Planète Rap. Eh ouais. Quand même. 15 jours. Lino énorme. Dans les bacs et Fredo la semaine prochaine dans Planète Rap. C'est ça, Mac Taylor et Maître Gims qui débarquent. Oh là là, grosse semaine encore. Ah, ça continue, ça n'arrête jamais. Ah, t'es un fou, Fredo, dis donc. Un dingue, un vrai fou furieux. Un fou, un gueudin. Un gueudin. Un barjou. Une bête. T'es un mahboul, un mahboul. www.irst. C'est ça. Danse. Très bien. Eh bien, www.skyrock.com. Vous laissez vos messages tout au de la soirée, vous nous appelez au 01 53 40 30 20 aussi. Ouais. On est là jusqu'à minuit, toute l'équipe arrive. Ouais, et on est tous là même. C'est parti, vous entendez la douce voix de la Marie, la voix sensuelle de Romano. Et chaude. Superbe. Le rire intelligent de Cédric. C'est moi. Voilà, et toute l'équipe qui est là, Samy. Mais c'est vraiment son rire, ça. Ah bah oui. J'ai toujours cru que c'était le rire de Samy en fait. Non, écoute, non. Écoute. Ah ouais, c'est le rire de Samy, ouais. Tu reconnais Cédric. Non, je crois que Samy est vexé. Non, tu es fou toi ou quoi? Chaque fois, j'ai cru que c'est ton rire, Samy, je te jure. Mais t'es un malade ou quoi, gros? Tu la vexes, hein? Oh, mais ouais. T'as vu le rire de merde un peu? Tu crois que c'est ma voix ou quoi? Non, mais merde, ça m'étonnait de ta part, quoi. Bah non, gros. Ça m'étonnait de ta part. Bon, hey, on va bien rigoler ce soir. Allez, Cédric. Il est heureux. Un festival. Il est heureux. Le festival du rire. Il est heureux, le con. Et il est de retour ce soir, ça fait plaisir. Ouais. Allez, toute l'équipe est là, c'est parti. Radio Libre avec Mark Ronson et Bruno Mars pour le premier son de la soirée. Ouais. Ciao.